L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui L'île des esclaves, comédie en un acte de Marivaux, jouée au Théâtre français dans la distribution suivante. Iphicrate, général athénien, Alain Feydeau. Arlequin, son esclave, Jean-Paul Roussillon. Euphrosyne, dame athénienne, Myriam Colombi. Cléantis, son esclave, Micheline Boudet. Trivelin, magistrat de Lille, René Camoin. Mise en scène de Jacques Charon. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Béatrix Dussane, professeur au Conservatoire national d'art dramatique, Georges Lherminier, inspecteur général des arts et lettres, Marcel Giraudet, Georges Albert Astre, professeur de lettres au lycée Voltaire, et Olivier Bernard, Bernard Mignon, élève de première au lycée Voltaire. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. L'intérêt que porte à Marivaux une certaine classe de spectateurs depuis quelques années n'est pas aussi clair qu'on pourrait le croire. Est-ce pour le style, pour la musique un peu froide et abstraite d'une conversation psychologique qui, en subtilité déjà au XVIIIe siècle, dépassait le ton mondain? Est-ce pour les sujets, tournant toujours autour d'une épreuve amoureuse ou sociale, et entraînant hors du réel des personnages qui se libèrent ainsi de quelques complexes cousins des nôtres? Est-ce parce que, en vérité, on aime à retrouver l'élégance sous le matérialisme bourgeois, la perversion de la nature et des sentiments sous la naïveté et la jeunesse des personnages, et à dégager des arlequinades et des paradoxes italiens, un procès que ferait Marivaux à la société abusive de son temps? Tout cela se peut. Ce qui est certain, c'est que le théâtre de Marivaux rompt avec la dramaturgie classique. Et en cela, il ne va guère plus loin que la plupart des auteurs de pièces comiques qui, depuis la fin du XVIIe siècle, n'échappaient à Molière que pour être saisis par les troupes italiennes, leur scénario assez simpliste ou le jeu de la foire. Disons-le, depuis Molière et Racine, la littérature dramatique française perd le goût des grands sujets ou bien ne fait que parodier les maîtres. Avec la complicité du public, on voit la comédie jouer à revendiquer ou à critiquer la société corrompue. Mais surtout, elle abandonne les grosses ficelles de Molière pour se plaire aux ressorts brillants de l'équipée italienne. Marivaux, lorsqu'il donne l'île des esclaves, a déjà écrit La surprise de l'amour, La double inconstance, Le prince travesti, La fausse suivante. Dans 5 ans, en 1730, ce sera le jeu de l'amour et du hasard. Il a tâté aussi de la philosophie, à la manière des feuilletonistes anglais. Il suit l'esprit et la technique de son ami Fontenelle, à la fois subtil et clairvoyant, précieux et bourgeois, métaphysique et réaliste. Avec la modération d'une âme généreuse, il s'attaque à l'hypocrisie, quitte à pardonner les défauts de bonne foi. Il n'aime pas les incrédules, les tièdes, les impies. Il méprise les lettres persanes, faisant à Montesquieu les mêmes critiques que les jésuites de Trévoux. Il rejette les encyclopédistes, vouant à l'enfer à la fois les ignorants et les athées. Mais il prêche, lui, avec les marionnettes aimables de son théâtre, l'émancipation des femmes et la suppression du mariage. Il souhaite le matriarcat et l'union libre. Il soutient, dans des répliques émouvantes, que la fraternité morale remplace liberté et égalité chez les hommes. Il parle de république, et les princes qu'il met en scène ne sont point des monarques. Il parle de vertu et de simplicité, et les orgueilleux de ses comédies finissent par goûter la joie des bonnes larmes du remords avant que les victimes ou les dépourvus n'aient vraiment pris leur revanche. C'est ainsi que Marivaux, spirituel et compliqué, moraliste et sensible, garde une place importante entre Crébillon-Fils et Marmontel, entre Fontenelle et Voltaire, entre D'Alembert et Diderot. S'il a 30 ans sous la Régence, il met au point avec finesse et sagacité une bonne morale bourgeoise qui s'insère calmement dans la décrépitude de la vieille société monarchiste. L'île des esclaves, beaucoup plus que la colonie ou que l'île de raison, marque une hésitation pour le choix du sujet. Comme dans la double inconstance et dans le prince travesti ou la fausse suivante, deux tendances moralisantes se mêlent. D'une part, la société est malaisée à supporter, les conditions et les qualités des hommes se répondant mal. D'autre part, peut-on concilier les aspirations ou les désirs de l'amour avec la volonté individuelle et avec les diversités sociales? Bientôt, ce dernier thème l'emportera sur l'autre et donnera son équilibre au théâtre de Marivaux. Le goût de l'auteur pour l'humanité et pour l'indépendance lui donna son originalité. Il n'estimait pas Molière, et D'Alembert affirme même qu'il ne craignait pas d'avouer naïvement qu'il ne se croyait pas inférieur à ce grand peintre de la nature. Beaucoup de critiques sont d'accord aujourd'hui avec cet orgueil un peu déplacé. Dans la mer Égée, une île brûlée de soleil, ça et là de grands cactus. La tempête a jeté sur cette côte 4 citoyens d'Athènes, aujourd'hui bien dépourvus. Iphicrate et son valet Arlequin, Euphrosyne et sa soubrette Cléantis. Nous voici hors du temps. Les jeunes gens et Cléantis sont vêtus des costumes brillants du XVIIIe siècle. Arlequin porte la livrée bariolée de son rôle traditionnel. Trivelin, le maître de l'île, aura tout à l'heure le strict uniforme sombre des Quakers protestants. Nous sommes à quelques pas de la mer. On la devine seulement. Tout est lumière et couleur claire. Iphicrate s'avance tristement. Arlequin, mon patron, que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment. Et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage, tous nos camarades ont péri, et j'envie maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, la plupart des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée, je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons. Il n'y a point de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà. J'en boirai les 2/3 comme de raison. Et puis je vous donnerai le reste. Ne perdons pas de temps, suis-moi, nous négligerons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes car nous sommes dans l'île des esclaves. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Je crois que c'est ici. L'île des esclaves? Il leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume. Là, ils tuent les maîtres à la bonne heure, je l'ai entendu dire aussi, mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves, comme moi. Et cela est vrai. Chut. Et encore vit-on? Je suis en danger de perdre la liberté, peut-être aussi la vie! Arlequin, cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Oh, ça, je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Mais parle, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, Seigneur Iphicrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Mon coquin abuse de ma situation, j'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos, marchons de ce côté. Ben, j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. Ça, c'est l'air du pays qui fait cela. Nous faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas, nous rembarquerons avec eux. L'embarquement est divin quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec Catin. Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher Arlequin. T'as mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Mais ne sais-tu pas que je t'aime? Ah oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. S'ils sont en vie, cela leur passera et je m'en goberge. L'embarquement... Mais j'ai besoin d'eux, moi. Ah ben, cela se peut bien, chacun a ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent! Ah! Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne, les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas tomber ici plus fort que toi. On te fera esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Adieu, mon ami. Je m'en vais trouver mes camarades et tes maîtres. Oh, tu peux être plus outragé que je suis misérable! Doucement! Tes forces sont bien diminuées car je ne t'obéis plus. Prends gaffe. Tu ne mérites pas de vivre! Arrêtez, que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave! Votre esclave? Vous vous trompez et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade, elle est à vous. Ah, que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment? Ça, je n'en ai pas, mon camarade. Quoi donc, vous n'en avez pas? Ah non, mon camarade, je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Arlequin et quelquefois... Hé! Hé! Le terme est sans façon. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh, diantre, il s'appelle par un nom, lui. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin. Ou bien Hé. Oh, oh, que nous allons rire, seigneur Hé. Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, oui, corrigeons, corrigeons. Marot. Eh bien, parlez donc, mon bon ami. Voilà encore une licence qu'il lui prend. Cela est-il du jeu? Mais dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin. Hé. Hey. Votre aventure vous inflige et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point, soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable, et nous aussi. Tout vous est permis à présent, mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Oh, la belle charge! Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira, ce n'est pas assez. Qu'on m'accorde encore un bâton! Non, mes camarades, il demande à parler à mon dos, je le mets sous la protection de la République, au moins! Ne craignez rien! Monsieur, je suis esclave aussi, moi, et du même vaisseau, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition à votre avis. Mais laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Vous savez qui nous sommes, sans doute? Oh, morbleu, d'aimables gens! Et raisonnables! Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons, par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs, et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. remerciez le sort qui vous conduit ici. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sain, c'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on avoir de la santé à meilleur compte ? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès et feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire ? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera cette case avec le nouvel Arlequin. Et cette belle fille demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit ensemble, c'est l'ordre. Je vous apprends que vous avez 8 jours pour vous réjouir de la nouveauté de votre état. Après quoi, on vous donnera comme à tout le monde une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Conduisez le seigneur Iphicrate et sa suite. Et vous restez. À ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis. Et elle, Euphrosyne. Cléantis, passe pour cela. J'ai aussi des surnoms, vous plaît-il de les savoir ? Oui, d'ailleurs, quels sont-ils ? Oh, j'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butor d'imbécile, etc. Impertinente que vous êtes ! Tenez, tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde dans l'étrange aventure où je me trouve ? Ne vous abandonnez point à votre douleur, Cléantis. Cléantis ! Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosyne, de peser avec bonté les torts que vous aurez avec elle, afin de les peser avec justice. Oh, tenez, tout cela est trop savant pour moi, je n'y entends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, tout ce qui viendra nous le prendre. Quel discours faut-il que vous m'exposiez à les entendre ? Souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Allons, Euphrosyne, modérez-vous. Oh, que voulez-vous que je vous dise ? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu, voyez-vous ? Quand je l'aurai querellée à mon aise 12 fois seulement, elle en sera quitte, mais il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours, mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, Euphrosyne, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y exhorte en même. Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse et qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Oh, que cela est bien inventé! Alors, me voilà prête à interroger, moi. Je suis dans mon fort. Je vous prie, monsieur, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, ceci n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez, un peu de honte est bientôt passée. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette, si cela la regarde. Voilà ma chère maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, c'est bon signe, et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout? À toute heure, en tout lieu? Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer, je n'en sais rien. Je m'y perds, il y a tant de choses. J'en ai tant vu, tant remarqué, de toutes les espèces que cela me brouille. Madame se tait. Madame parle. Elle regarde. Elle est triste. Elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité, contente, muette ou fâchée. C'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. C'est madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute. Rien que cela. Je n'y saurais tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue plus belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite sur les armes, la journée sera glorieuse. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, on m'apporte un miroir. Oh, comme me voilà faite, que je suis mal bâtie. Cependant, on se mit. On éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué, voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour, si elle peut. Et moi, fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient contre nous. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en l'est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Oh, non, non. Il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil et je n'ose pas le montrer, je fais peur. Et cela veut dire, messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi ou moi, ne me regardez pas, remettez-vous à me voir, ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi. Car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Ce sont de pauvres gens pour nous. Oh, courage, madame, profitez de cette peinture-là, car il me paraît fidèle. Mais je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2/3. Et j'achèverai. Pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là est aimable, disiez-vous. Elle a les yeux petits, mais très doux. Et là, si vous ouvriez les vôtres, vous vous donniez des tons, des gestes de tête, de petites contorsions, des vivacités. Je riais. Vous réussîtes pourtant. Le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi, lui dites-vous. Oui, madame, à vous-même. À tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez. Voilà, être... Continuez, dites-vous, en ôtant vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres, mais vous avez la main belle. Il la vit, il la prit, il la baisa. Cela anima sa déclaration, et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Écoutez, mais c'est le plus plaisant. Un jour, qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle. Et je dis, oh, pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bonté. Pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valut-il pas? Et j'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Je n'eus rien. Cela ne prit point. Et c'était bien fait, car je la flattais. Monsieur, je ne resterai point. Ou l'on me fera rester par force, je ne puis en souffrir davantage. En voilà donc assez pour le présent. Euphrosyne, promenez-vous un moment à quelques pas de nous, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Je sors, mais tantôt nous reprendrons le discours. Qui sera fort divertissant, car vous verrez aussi comme quoi madame entre dans une loge au spectacle, avec quelle emphase, quel air imposant, quoique d'un air distrait, sans y songer, car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Vous verrez comme dans la loge on jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté, qu'on ne connaît pas. Je vous ai prié de nous laisser. C'est juste. Adieu, notre bonne amie, je vais à notre auberge. Au revoir. Cette scène-ci vous a un peu humilié, mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités? Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour propre qu'elle vient de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. Quoi? De pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyables! Prenez-y garde! Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que, vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on n'aime que soi et qui ont détourné votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si, au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible et cela reculera votre délivrance. Ma délivrance. Puis-je l'espérer? Voyons, consultez-vous. Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais... Quoi? Il y a du vrai. Ah! Par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est point notre compte. Avouez-vous tous les faits? En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Mais vous faut-il une réponse si exacte? Eh oui, madame. Et le tout pour votre bien. Eh bien... Après? Je suis jeune. Je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble? Je crois que oui. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille. Je suis content, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis. Oui, je lui rends déjà son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous. Ah, gai camarade, le bas de la République est merveilleux. Ah, j'en ai bu bravement ma pinte. Que le ciel protège la vigne, le vigneron, la vendange et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui. Oui. C'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose. Il soupire quelquefois et je lui ai défendu cela sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. L'embarquement est divin quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec. Avec. Catin. Vous me réjouissez moi-même. Ah oui, ça, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis charmé de vous voir satisfait d'Arlequin et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de peine. De la peine? Oh, le pauvre homme. Non, peut-être que je serai un petit brin insolent avec lui à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître, vous avez raison. Ah, oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon. Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, n'importe. Je vois bien que vous n'êtes point méchant. Hélas, je ne suis que mutin. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah, mon camarade, vous avez de la malice. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. Ah, ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Ah, Arlequin. Hé hey! Me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Non, laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon. Mais après... Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Et tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. Ne sont-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment comme cela, un dissipe tout, vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain, bon emprunteur, mauvais payeur, honteux d'être sage, glorieux d'être fou, un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hableur avec tout plein de maîtresses, qu'il ne connaît pas, voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, je n'en ferai rien, mon ami, ne crains rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de Tanton en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien, si cela est, il y a là quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine manière. Ben, prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue un ridicule? Qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Va donc pour la moitié pour me tirer d'affaire. Va du tout. Soit. Vous avez fort bien fait. Vous n'y perdrez rien. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur, il fait crasse. Peut-on vous demander de quoi vous riez? Oh. Je ris de mon Arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Oh. Cela me surprend car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Oh, malpeste. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Mais parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Que ferons-nous à cette heure que nous sommes gaillards? Mais la belle conversation! Je crains que cela ne nous fasse bailler. Oh. J'en baille déjà. Non, si je devenais amoureux de vous, ça m'amuserait davantage. Eh bien, faites. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur. Prenez-le si vous le pouvez, je ne vous en empêche pas. C'est à vous de faire vos diligences. Me voilà, je vous attends. Mais traitons l'amour à la grande manière. Puisque nous sommes devenus les maîtres, allons-y poliment, et comme le grand monde... Oui, da, nous n'en irons que meilleur train. Oh, je suis d'avis d'une chose, que nous disions qu'on nous apporte des sièges, pour prendre l'air, assis, et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Ah. Arlequin. Hé ! Allons vite, des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela ? La République le veut. Tenez, tenez ! Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez tomber adroitement l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Allons, procédons noblement. N'épargnez ni compliments, ni révérences. Et vous, n'épargnez pas les mines. Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite, qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame. Comment vous lui ressemblez? Et parbleu, le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à tête avec vos grâces. Oh. Oh. Mais qu'avez-vous donc? Alors, vous voulez figurer notre conversation? Non, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Raillez ces applaudissements. Il nous dérange. Vous savez bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici, monsieur. Vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi. Vous me dites des douceurs, mais finissons, voilà assez. Je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Ah. Vous m'allez dire que vous m'aimez. Je le vois bien. Dites, monsieur. Dites! Ah, heureusement, on n'en croira rien! Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas! Mais faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux? Oh, mais ce sont des serpents! Des serpents! Vous ne pouvez pas faire, mais vous n'avez pas cité! Vous êtes tous à me tourner, frappé d'un bois, ça va être étrange! Oh! Oh, ma foi que ça va bien! Oh, par ma foi, nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Oh, vous riez, vous gardez tout. Oh, mon Dieu, que vous êtes aimable. Et moi aussi. Non, savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Si ce n'est par compliment, comme dans le grand monde. Oh, pas encore, mais il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous? M'aimez-vous? Ben, j'y venais aussi. Quand il m'est venu une pensée... Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Mais vous, que dites-vous de ma suivante? Qu'elle est friponne. Oh, j'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'arlequin et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Cette imagination-là mérite assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer dans le fond. Mais n'ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Eh bien, soit. Inspirez à Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse, il sortira tout d'un coup d'esclavage. Ça est bien aisé au bout du compte. Je n'étais ces jours passée qu'une esclave, mais enfin, voilà devenue dame et maîtresse. J'ai même un visage de condition, tout le monde me l'a dit. Oh, pardi, je vous prendrais bien, moi, si je n'aimais pas votre suivante un petit brin plus que vous. Conseillez-lui aussi de l'amour pour ma petite personne qui, comme vous voyez, ce n'est pas désagréable. Vous serez content, je vais appeler Cléantis. Oh, mais vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commence. Mon sexe, la bienséance et ma dignité le veulent. Cléantis, tirez-vous à quartier pour un moment. Vantez mon mérite, prêtez-moi un peu à charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis! Approchez. Et accoutumez-vous à aller plus vite, car je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça. Écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime, c'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Et vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez-vous même que je le veux. Où suis-je et comment cela finira-t-il? Oh. Arlequin entre. Il salue Cléantis qui sort. Puis il va tirer Euphrosyne par la manche. Madame. Comme voulez-vous. Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Eh hey. Laissez-moi, je vous prie. Ben regardez-moi dans l'œil. Pour deviner ma pensée. Pensez ce qu'il vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Oh. Ben, ne mentez point, on vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état. Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime. Et que je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Eh, dame, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle. Et il faut bien vous donner son cœur, aussi bien vous le prendriez de vous-même. Et voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante. Oh, les jolis petits doigts. Ah, que je serais heureux avec cela, mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre, mais vous ne voyez rien. Si vous aviez la charité d'être tendre aussi, je deviendrai fou tout à fait. Tu ne l'es déjà que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Oh, je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon, bon, à qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi, et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Oh, il ne s'en fait plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde à ma naissance, à mon éducation du moins, que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent, tu peux ici m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Et je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, de la tienne même, Arlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Moi, je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Tu me dis que tu veux t'entretenir avec moi, comme veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Un autre personnage qui va me demander encore ma compassion. Écoute, mon ami, je n'ai rien à te dire. Sinon que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Frosine. Voilà tout. À qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander? Vraiment, oui, je le peux, puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt, mais on me trompe. Et c'en est fait, je succombe, je meurs, Arlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffert. Il ne manquait plus que cela. Écoute, je te défends de mourir par malice. Ça, par maladie, pas, je te le permets. Les dieux te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien ne m'a été aussi sensible, je l'avoue. Je croyais que tu m'aimais, cela m'attachait à toi. Et qu'est-ce qui dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais mille injures. Parce que je me moque un petit brin de toi, cela empêche-t-il que je t'aime? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Mais ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? J'ai plus parti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ta mauvaise humeur, ton autorité, le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Tu n'es qu'un ingrat au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût pénétré moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu as raison, mon ami. Mais tu me remontras bien mon devoir ici pour toi, mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions dans Athènes. Mais tu veux que je partage ton affliction, mais jamais tu n'as partagé la mienne. Viens là, tu dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié, tu le dis. Je te pardonne, je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades, je les prierai de te renvoyer. Et s'ils ne le veulent pas, je te garderai comme mon ami, car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre. Que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave. Et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Mon pauvre patron, qu'il y a de plaisir à bien faire. Laissez-moi! Gémir! Oh! Seigneur Iphicrate, qu'est-ce que cela signifie? Expliquez-moi donc ce que je vois, il semble que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, notre projet! Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, lui des siennes. Repentez-vous des vôtres. Madame Frosine se repentira aussi et vive l'honneur après! Cela fera quatre beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Oh, ma chère Cléantis, quel exemple pour vous! Dites plutôt quel exemple pour nous! Madame, vous m'envoyez pénétrer. Oh, vraiment. Nous y voilà, avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fie que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions point d'autre mérite que cela pour vous, voyons? Ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout, vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Et que faut-il être, donc? Ah, nous y voilà. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. C'est là qui les demandez-vous à de pauvres gens que vous avez toujours offensés, accablés, humiliés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure. Faites-les superbes, vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Alors, ami, soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contrits d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien. Quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Approchez, Madame Frosine. Elle vous pardonne. Voilà qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantis, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fini. Je veux bien oublier tout. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, ce ne sera pas ma faute. à la brave fille, à le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Viens que je t'embrasse, ma chère Cléantine. Mettez-vous à genoux, pour être encore meilleure qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Mais ne parle plus de ton esclavage. Et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Que vois-je? Vous pleurez, mes enfants. Vous vous embrassez. Vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin final, la paix est conclue. La vertu a arrangé tout cela. Il ne nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Voilà aussi mon dernier mot qui vaut bien des paroles. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants. C'est là ce que j'attendais. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosyne, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent succède au chagrin que vous avez ressenti et célèbre le jour le plus profitable de votre vie. Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Béatrix Dussane, professeur au Conservatoire national d'art dramatique, Georges L'Herminier, inspecteur général des arts et lettres, Marcel Giraudet, Georges-Albert Astre, professeur de lettres au lycée Voltaire, et Olivier Bernard, Bernard Mignon, élève de première au lycée Voltaire. Eh bien, que pensez-vous de l'île des esclaves, Olivier Bernard? Après avoir vu la pièce, nous pouvons nous poser la question: en quoi cette pièce de Marivaux peut-elle encore nous toucher et nous intéresser? Réponse du berger à la bergère. En quoi cette pièce vous intéresse-t-elle aujourd'hui? Eh bien, elle m'intéresse du point de vue du langage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis sensible avant tout au dialogue de Marivaux. Béatrix Dussane. Mais c'est pour moi une très heureuse surprise et très agréable de penser qu'un jeune homme de maintenant goûte directement le charme du texte de Marivaux, de la forme de Marivaux. Je voudrais qu'il pût analyser ou qu'il voulût analyser en quoi. C'est un univers très poétique. Marcel Giraudet. Je crois que Marivaux, justement, est intéressant pour tous les âges, d'ailleurs, mais en particulier pour les jeunes gens, parce qu'il y a quand même, dans toute pièce de Marivaux, une sorte de mystification. Le marivaudage est un prétexte à quelque chose, n'est-ce pas? C'est un manège, c'est un petit problème qui est presque toujours posé de la même façon. Marivaux demande toujours une complicité du spectateur. Si on n'est pas complice avec le sujet ou avec le langage de Marivaux, on ne s'intéresse pas du tout à Marivaux. C'est un personnage très curieux. Georges Albert Astre. Je crois que c'est vrai, seulement, tout de même, il ne faut pas oublier que nous sommes devant un Marivaux un peu particulier. Ah, c'est ce que j'avais dit. Voilà, c'est le grand problème, n'est-ce pas? Cette pièce est évidemment, comme l'a dit très bien Olivier Bernard, c'est quelque chose de poétique. C'est vrai que c'est poétique, mais tout de même, elle fait partie des 3 pièces à tendance sociale de Marivaux. Alors, faut-il n'y voir aujourd'hui que la poésie, ou est-ce qu'il faut y voir autre chose? Bernard Mignon. Quand je suis sorti de cette pièce, le premier problème qui m'est venu à l'esprit, c'est de savoir si cette comédie avait gardé le même potentiel de subversion qu'au XVIIIe siècle. Ben, voilà, en tous les cas, un grand mot de lâcher. Subversion, ça veut dire beaucoup de choses. Et le XVIIIe siècle est bien vague aussi. Il faudrait alors se poser la question de savoir si cette pièce pouvait être considérée comme subversive au XVIIIe siècle et aujourd'hui, ce que nous recevons, nous, spectateurs du XXe, de cette subversion qu'il y aurait derrière l'île des esclaves. Alors, au XVIIIe siècle, Georges Albert Astre. XVIIIe siècle est en effet, vous le dites, un bien grand mot, c'est juste, parce qu'enfin la pièce est 1725. Et en 1725, pouvait-on réellement faire une pièce de théâtre subversive qui pût être représentée? Elle a eu beaucoup de succès, cette pièce. Elle, pour l'époque, c'est énorme. Madame Dussane ne me démentira pas, 21 représentations, c'est énorme. À l'époque, elle a été donnée aux Italiens. Et elle est donnée à l'usage de gens qui sont des gens du monde. Par conséquent, on peut tout de même se demander si la pièce est vraiment, comme voulait Sainte-Beuve, une bergerie révolutionnaire, ou si c'est une aimable fantaisie se déroulant au pays d'utopie. Voilà le problème. Béatrix Dussard. D'après l'expérience qu'on peut avoir de l'histoire du théâtre, le climat du théâtre et la mentalité des spectateurs qui venaient au théâtre étaient totalement différents à la comédie italienne et au théâtre français. Et il n'y avait que ces deux milieux. Et je crois que ce qui se passait aux Italiens, par leur grâce, par le climat férique de leurs pièces, par leur fantaisie, ne paraissait pas, en effet, au public pouvoir avoir une conséquence sur la réalité. Ça se passait dans un autre univers. Il y a eu des choses comme ça au moment de Tartuffe, n'est-ce pas ? Scaramouche osait des plaisanteries infiniment plus scandaleuses que ne pouvait être, du point de vue de la critique des idées et des mœurs, le Tartuffe de Molière. Mais c'était Scaramouche, on le lui passait. Ah oui, mais... C'était des gens qu'on prenait pas, on ne les prenait pas au sérieux de la même manière. Ça se passait dans un climat d'utopie, un climat de poésie, comme vient de dire M. Bernard, il n'a pas eu tort. Pas. Et c'était pas sérieux et ça permettait en même temps de jouer peut-être avec des idées, avec des constatations que tout le monde pouvait faire, des constatations de sentiments que tout le monde pouvait faire. Oui, mais bien sûr, mais le jeu conventionnel, le rêve en utopie, oui, a toujours été un moyen d'exprimer, oui, une certaine critique sociale, d'accord, en se garantissant des sanctions diffuses ou des sanctions précises. Et alors, derrière cet aspect conventionnel, oui, de la comédie italienne et de certains thèmes que l'on peut voir revenir, il y a quand même une certaine réalité des situations et des mots. N'est-ce pas, Georges Lherminier ? Je voudrais m'effacer derrière un bon commentateur de Marivaux, qui est Marcel Arlan. Vous parliez tout à l'heure de l'expression de Sainte-Beuve, la bergerie révolutionnaire. Sainte-Beuve, au gré de Marcel Arlan, employait là une expression qui lui semblait bien grosse. Voilà ce que dit Marcel Arlan. Sainte-Beuve appelait l'île des esclaves une bergerie révolutionnaire. L'épithète me semble bien grosse. Et Arlan ajoute, et le substantif bien dur. Il serait ridicule de faire de Marivaux un classique de la liberté, entre guillemets, un précurseur de la révolution. Marivaux est un moraliste, beaucoup plus qu'un réformateur, mais un moraliste à la manière de Fénelon, qu'il rappelle souvent, un moraliste sensible aux injustices sociales, etc. Béatrix Dussard. Je crois précisément qu'il y a chez Marivaux une charge de sentiment et de sensibilité qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Je crois que les réactions de Marivaux, avec toute l'intelligence qu'il pouvait avoir et sa perspicacité, ces réactions sont essentiellement des réactions de sentiment. Le cœur doit avoir raison. Le cœur devrait avoir raison dans les rapports entre maître et valet. Le cœur doit avoir raison dans les rencontres de l'amour. Alors le cœur, il n'y a pas de plus grand révolutionnaire que le cœur, bien entendu. Ah. Le cœur et la raison aussi, tout de même, la raison naissante du XVIIIe siècle. Oui, mais c'est-à-dire qu'il voyait juste. Son cœur n'avait pas tort quand il dénonçait les sottises ou les petitesses ou même les cruautés de Frosine dans la pièce. Le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Oui, que la raison finit par adopter. Georges-Albert Astre. Oui, je crois que ce qui est très intéressant dans la pièce tout de même, c'est qu'elle prend place dans un courant philosophique du XVIIIe siècle. Il s'agit de repartir à zéro, de retrouver la vérité derrière les conventions. Et au fond, eh bien, cette mise à nu des sentiments de la société, en plongeant des personnages conventionnels, corrompus par la vie parisienne, dans un milieu naturel, dans une île, eh bien, c'est un thème très en faveur. En 1725, on parlait des Italiens, c'est vrai, mais justement, il y avait eu un arlequin sauvage, très peu de temps auparavant, d'un certain Delisle de la Dreftière, qui était au répertoire des Italiens. Et on y voyait Arlequin, en bon sauvage, qui débarquait avec son maître à Marseille et qui symbolisait précisément la nature toute simple. Et on ne compte pas les pièces, les œuvres, les romans, n'est-ce pas, de ce genre. Et il faudrait évidemment rappeler le procédé aussi de mise à nu de la vérité par Montesquieu dans les lettres persanes qui étaient présentes à toutes les mémoires à ce moment-là. Nous avons quelque chose qui se situe un peu dans ce cadre avec cette histoire extraordinaire d'un maître qui débarque avec son esclave dans une île où ce sont les esclaves qui ont pratiquement le pouvoir et où il suit un cours d'humanité et où tout le monde va suivre un cours d'humanité théoriquement pendant 3 ans. Raison, vertu, bonté, voilà les valeurs clés qu'on va leur enseigner au nom de la fraternité retrouvée. Georges Lherminier. Oui, Marcel Arlan, dans le texte que je rappelais tout à l'heure, évoquait Fénelon. Je crois que le rapprochement s'impose à quelques années près, en somme, car la pédagogie de Fénelon, lorsqu'il écrit le Télémaque pour le petit duc de Bourgogne, repose au fond sur cet affrontement de la nature et de la raison. Il en fait une pédagogie en quelque sorte, mais c'est une pédagogie qui est tout à fait dans l'air. Et cette idée d'île, et bien sûr, elle traduit le retour à la nature, mais au théâtre, nous sommes aussi sur une île. Il y a là un potentiel dramatique dans les trois îles de Marivaux qui est évident, qui annonce l'homme de théâtre qu'il est d'ailleurs. Je voudrais justement revenir sur le cas de l'Arlequin sauvage. J'ai eu l'occasion de faire dire des fragments de l'Arlequin sauvage à une soirée littéraire de la Comédie française, et ils sont extrêmement virulents. On peut penser que c'était un thème, je ne dis pas, oui, probablement un thème courant quand même, de la comédie italienne, traité avec plus ou moins de bonheur, et pas toujours, bien sûr, avec le talent de Marivaux. Mais le pouvoir subversif, il était déjà, il existait déjà dans les thèmes courants. Marcel Giraudet. Oui, moi je crois qu'il y a deux problèmes dans ce que nous disons tout de suite, là. C'est d'abord le problème de théâtre et le problème de Vogue, le schéma dans lequel vont s'insérer des idées. Et ça, depuis Crispin, rival de son maître, depuis Les Animaux raisonnables, depuis Arlequin de Calion ou Arlequin sauvage, il y a 20 ans de production littéraire et théâtrale, aussi bien à la Comédie française d'ailleurs qu'aux Italiens, où on se sert d'un certain schéma et où on se sert d'un personnage comme Arlequin, qui peut être Trivelin ou qui peut être Crispin, et où on va au paradoxe. Ça va du bon sauvage de Montaigne au paradoxe extravagant du jeu italien. Et là, il est certain, et c'est un second problème, que Marivaux ne s'inscrit pas, à ce moment-là, dans les procédés philosophiques les plus révolutionnaires et les plus subversifs. Marivaux n'a jamais été très bien, comme l'on dit, avec Voltaire, avec Diderot, peut-être un peu avec Rousseau, qui était son cadet de loin, mais il était attaché à Fontenelle et à Lamotte, et ces deux-là faisaient partie d'un monde extrêmement capricieux pour les philosophes et qui représentait pour eux une préciosité attardée et un système intellectuel qui était très méprisé. Et je pense que l'île des esclaves, l'île de raison ou la colonie sont des amusettes de Marivaux qu'il joue sa partie, parce qu'il est encore, à ce moment-là, un débutant. Il n'écrit que depuis 4 ans. Et il écrit pour une troupe qui était arrivée à Paris en 1716, c'est-à-dire une nouvelle troupe des Italiens. Et j'estime que là, il marquait son petit point blanc, mais que ça n'allait pas beaucoup plus loin. Le deuxième point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que Marivaux n'a rien de subversif. C'est un moraliste, mais ça n'est pas un subversif. Il ne va même pas si loin que Montesquieu. Il représente la réaction d'un monde bourgeois contre le monarchisme traînant depuis la fin de la décadence de Louis XIV, et il relaie au fond les nobles, les libertins du XVIIe. Pas plus, mais il va bien moins loin. Et on n'a pas vraiment, à la lecture ou au spectacle de l'île des esclaves, on n'a pas du tout l'impression que c'est une pièce révolutionnaire. Non, bien sûr, mais peut-être Marivaux fait-il de la subversion sans le savoir, n'est-ce pas? Parce qu'en définitive, les choses sont quand même dites. Je suis persuadé que Marivaux s'inscrit dans un courant libéral, mais objectivement, pour employer, enfin, un langage, si vous voulez, d'analyse révolutionnaire, objectivement, ce qui est dit, n'est-ce pas, concourt à un certain courant d'esprit, même si Marivaux ne veut pas en être parfaitement conscient, et même si Marivaux ne fait qu'obéir à une certaine tradition de théâtre. Marcel Giraudet. Précisons, si vous voulez, évidemment, les choses sont dites. Les choses sont dites par les valets à leur maître. Mais c'est un repoussoir. Parce que la situation essentielle de l'île des esclaves, c'est, disons le mot brutalement, la partie carrée manquée entre maître et valet, qu'on retrouve dans le jeu de l'amour et du hasard, qu'on retrouve dans les acteurs de bonne foi, qu'on retrouve dans toutes les pièces de Marivaux. C'est-à-dire que ce qu'il file vraiment Marivaux, c'est la situation pseudo-amoureuse, de pseudo-psychologie amoureuse. Et le reste est un repoussoir qui suivait la mode et qui lui permettait d'avoir du succès. Oui, mais la mode et le succès peuvent être des moyens d'action révolutionnaire aussi. Aujourd'hui, quand on relit Figaro, Il est de bon ton de dire que Figaro n'est pas une préface à la Révolution, et je crois qu'on a quelques raisons de le dire. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, quand Louis XVI a entendu pour la première fois la pièce, il a dit « Figaro ne sera pas joué, personne ne s'y trompait en définitive ». Alors, je crois qu'il faut bien se rappeler qu'il aura fallu qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de mots comme ceux qui sont dits dans L'île des esclaves ou dans Figaro, pour qu'en définitive, un beau jour, on coupe la tête de Louis XVI. Béatrix Dussard. Il y a un autre élément qu'on peut appeler subversif ou révolutionnaire et qui est chronologique dans ces pièces. Pas de la part de Clérantis, mais de la part de l'Arlequin. C'est la confrontation des ingénus au sens propre du terme. Et Thomassin était un Arlequin ingénu. La confrontation de l'ingénu, de l'être jeune, de l'être pur, de pureté instinctive et animale, mais de l'être pur avec la civilisation. Et l'Arlequin de Thomassin devait donner à la fois beaucoup de charme, beaucoup de saveur et beaucoup de force de percussion à ces réactions-là. Il y a d'autres pièces où il y a les deux couples dans la double inconstance, il y a les deux, il y a le couple des ingénus qui sont corrompus tous les deux par leur contact avec les gens plus âgés et plus expérimentés. Georges Berast. Oui, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas en effet une pièce révolutionnaire. Tout de même, je ne pense pas non plus que la pièce soit une pièce qui ne concerne à aucun degré le problème social. Elle a une force, n'est-ce pas? Il y a une lucidité de Marivaux. Cette lucidité, et les critiques modernes la soulignent, et elle est remarquable. Et il y a aussi la mise en évidence que finalement, c'est le peuple qui contient les vraies vertus et que ça n'est pas la noblesse. C'est une idée quand même extrêmement importante qui domine la pièce. L'idée que, Cléantis le dit d'ailleurs, nous autres esclaves, nous sommes doués contre le haut maître d'une pénétration. Et cette pénétration va tout de même fichtrement loin, parce qu'enfin, il y a des moments où le rythme même de la phrase dans la bouche d'Arlequin ou Cléantis annonce le monologue de Figaro, et où les idées l'annoncent aussi. Je crois que les idées, si vous voulez, les reproches que fait Cléantis et que fait Arlequin, sont des reproches mineurs. Ils ne dépassent pas le stade « vous êtes un ridicule, un extravagant, une coquette, une vaine ». Mais le ton est tel que nous avons tout de même l'impression que quelque chose de nouveau vient d'apparaître. Marcel Giraud. Oui, mais moi je crois qu'il faut faire quand même une petite remarque. C'est que les serviteurs ont en moyenne 5, 6 et quelquefois 10 ans de plus que les maîtres. Ce sont de jeunes maîtres. Iphicrate est un petit maître. Et ce sont des jeunes filles. Et Euphrosyne le dit très bien à Trivelin, si j'agis comme ça, c'est par besoin de plaire, mais c'est aussi l'âge, elle dit. Donc ça fausse tout le problème. Ce sont des jeunes gens qu'on a confiés à des valets. Et un petit peu pour les protéger, on retrouve un petit peu là-dedans les histoires de Scapin. Oui, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il est dans notre esprit de faire de Marivaux un prédécesseur de Brecht, n'est-ce pas ? Mais il est quand même dit un moment que, sous une autre forme, enfin, que la noblesse n'est que de hasard. Georges Albertastre. Oui, effectivement, n'est-ce pas ? Il y a une citation typique, « La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous ». Et c'est ce moralisateur de Trivelin qui est un peu habillé en Quaker et qui exprime cette opinion. Puntilla et son valet Mati. Sosie dans Amphitryon, tous les discours sont des sottises partant d'un homme sans éclat, et ce serait choses exquises si c'était un grand qui parla. Nous allons tomber sur des lieux communs, vous savez, des lieux communs de raison et d'observation humaine, mais dont on ne sentait pas, je crois, régulièrement et automatiquement le débouché dans le réel. Je m'exprime très mal, mais je crois que c'est ça. Bernard Mignon. Alors j'aurais voulu dire que dans cette pièce, ce sont les valets qui donnent une leçon de vertu, de raison et de bonté à leur maître. Et ça, je crois que c'est quand même un élément très important, de montrer que la bonté est en relation avec l'humilité des serviteurs. Georges Lherminier. Oui, mais à partir du moment où les maîtres acceptent cette leçon, promettent de se bien conduire dans la vie, ils sont dignes de rester maîtres quand même. Il ne s'agit pas de bouleverser pour autant l'ordre social et d'arriver à je ne sais quelle société sans classe où tout le monde serait bon. Il suffit que chacun soit bon à son rang social. Mais ça ne détruit pas la notion même de hiérarchie sociale. Oui, au fond, notre cher Marivaux n'est pas révolutionnaire, il est paternaliste. Il est moraliste. Il est sentimental. C'est une perversité sociale. Georges Albertastre. Oui, je crois que la formule paternaliste est celle qui nous vient aux lèvres. Et au fond, 2 ans avant, dans son journal Le Spectateur français, cet excellent Marivaux, exprimant ses idées, au fond assez conservatrices, disait ceci: « Cette inégale distribution de biens dont nous parlions tout à l'heure lie nécessairement les hommes les uns aux autres, il est vrai. Mais le commerce qu'elle forme entre eux n'est-il pas trop dur pour les uns, trop doux pour les autres ? Et de cette différence énorme qui se trouve aujourd'hui entre le sort du riche et celui du pauvre, Dieu, qui est juste autant que sage, n'en serait-il pas comptable à sa justice s'il n'y avait pas quelque chose qui tint la balance égale ? Si le bonheur du riche ne le chargeait pas aussi de plus d'obligations, et cette phrase que je trouve pour ma part alors absolument extraordinaire, « Ainsi vous, dont ce riche ne soulage pas la misère, prenez patience. C'est là votre unique tâche à cet égard-là. Vivez comme vous faites à la sueur de votre corps. Continuez. C'est Dieu qui vous éprouve. » Il est vrai que, Marivaux ajoute, « Vous, homme riche, vous paierez cette fatigue, tout cela, n'est-ce pas, etc. » Mais c'est un sermon. Exactement. Je crois qu'il y a une demi-ironie, là. Parce que dans les romans, il y a des choses extrêmement fortes au point de vue de l'inégalité, non pas exactement sociale, mais financière. N'est-ce pas ? Marivaux sent très vivement l'inégalité par le manque d'argent. Ben oui, parce qu'il en manque lui-même. Et parce qu'il en a manqué, il l'a senti, il a fréquenté des milieux très riches et très brillants en parents pauvres. Georges Herminier. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un terrain d'entente et un système d'explication qui arrangerait un peu ces points de vue ensemble, dans le fait que Marivaux, au fond, se sert du théâtre comme un lieu d'expérimentation. Qu'il prenne l'amour, qu'il prenne une situation sociale comme celle des rapports entre les maîtres et les serviteurs, qu'il aborde le problème de la raison, qui ne gouverne pas toujours le monde et qui rapetisse l'homme lorsque on ne la suit pas. Est-ce que, dans un cas comme dans l'autre, Marivaux ne se borne pas à faire une pure expérience sans préoccupation sociale? Je veux dire que ces tests sont tantôt à caractère social, au sens que nous pouvons donner aujourd'hui à ce mot, tantôt à caractère purement psychologique, mais que ce qui l'intéresse, et je dirais presque ce qui l'amuse en homme de théâtre, c'est l'échange. Et cet échange est pour lui essentiellement théâtral. C'est même presque chez lui un procédé, presque un tic, n'est-ce pas ? Et c'est peut-être finalement cette expérimentation en elle-même qui l'intéresse beaucoup plus que l'efficacité éventuelle, même dans l'ordre psychologique pour améliorer les hommes, même dans l'ordre social pour modifier les rapports sociaux. C'est peut-être finalement l'expérimentation pure qui l'intéresse d'abord. De regarder vivre des cœurs et des esprits. Et de les mettre dans des conditions qui ne sont pas toujours naturelles, mais qui sont des conditions d'expérience. Organiser des parcours sportifs. Ouais. L'épreuve, toujours l'épreuve. Toujours l'épreuve. Oui, mais il y a quand même, alors dans ce domaine, une idée bien nouvelle et peut-être exprimée pour la première fois, n'est-ce pas ? C'est effectivement dans L'île des esclaves que l'on voit exprimée par un moraliste l'idée de l'autocritique, n'est-ce pas ? Poussé très loin, non pas de l'autocritique parce qu'on doit dire ses péchés et ses fautes, mais c'est parce que, les disant publiquement, il y a une espèce de transfert magique qui se fait en soi, qui fait que on est non seulement absous de les avoir dit, mais on se trouve dans une condition autre pour ne plus avoir la charge de ses péchés et de ses fautes. C'est la contrition, mais ça nous mène très loin. Et c'est la contrition au théâtre. C'est la contrition sur le plan moral, c'est-à-dire la confession et le rachat par la parole, et c'est la police dans les systèmes policiers. Ça touche le social, parce que on veut que le sujet soit un sujet social, on en arrive à la limite au lavage de cerveau. Les 3 ans, c'est le lavage de cerveau. Mais c'est certain, parce que je m'élève, moi, contre l'idée de trouver là, n'est-ce pas, une approximation à ce qui peut être la confession ou l'acte de contrition, même public. Oui. Il y a dans la définition donnée par Marivaux quelque chose qui est absolument semblable à ce que on définit aujourd'hui scientifiquement comme l'autocritique et le lavage de cerveau. Ce n'est pas une idée métaphysique, c'est presque un procédé expérimental de psychologie appliquée. Oui, mais ce qui condamne Marivaux, c'est qu'on n'a jamais vu un inspecteur de police embrasser les genoux de l'inculpé. Et c'est là, justement, que le théâtre de Marivaux est irréel. Mais bien sûr, il n'est pas révolutionnaire, il est utopique. Georges Albert Astre. Oui, je voulais dire que tout de même, n'est-ce pas, ce didactisme fait partie du siècle. Le 18e est un siècle de pédagogie et de didactisme. Et on rêve de corriger. On rêve de corriger par tous les moyens. Mais sur quoi est-ce que ça se greffe ? Ça se greffe, au fond, sur le vieux rêve humaniste C'est le rêve rabelaisien, n'est-ce pas? Excepté que Marivaux pensait que les hommes étaient assez méchants par nature. Mais à part ça, c'est tout de même le rêve assez rabelaisien de retrouver enfin une communauté d'hommes retrouvant le sens véritable des valeurs morales dans la fraternité universelle entre gens intelligents et raisonnables. Georges Lherminier. Je pense que nous allons en arriver au mot psychodrame et voir dans les îles de Marivaux de véritables psychodrames qui, au fond, favorisent, en les purgeant, l'équilibre des passions sociales. Tout ce que nous venons de dire, hélas, ou tant mieux, mais enfin, donne raison à l'attitude de l'archevêque de Péréfix. Parce que vous vous rendez compte ce que le théâtre, n'est-ce pas, arrive à faire d'un conservateur libéral. Ce réactionnaire qui s'exprime pour le maintien de l'ordre établi, dès qu'il met en scène un certain nombre de personnages, sur le plan de l'amour ou sur le plan de la société, fait vivre des petits apôtres d'une petite subversion qui font leur métier de vibrion et de trublion dans le corps social. Péréfix avait raison, il fallait condamner le théâtre. Cette génération de Marivaux, comme celle de Fontenelle ou de Lamotte, était inclus dans le système de la Régence. Et au fond, ce que Marivaux défendait, c'est un équilibre de la société et une adaptation pour mieux jouir des biens de ce monde. Tandis que les Voltaire, les Diderot et les Rousseau avaient fait non pas un pas de plus, mais étaient sur un autre secteur. Et peut-être que Voltaire, lui, s'était arrangé pour bien jouir de sa vie, mais quand même les luttes de Voltaire, le travail de Diderot et les rêves de Rousseau étaient autrement réalistes et autrement révolutionnaires et autrement subversifs. Ça s'est passé beaucoup plus tard. Les gens qui écoutaient L'île des esclaves à la Comédie italienne et qui l'ont écouté à la Comédie française par la Clairon, en 1736, ont sans doute été plus sensibles à cet aspect d'adaptation dans la jouissance qu'à l'aspect de revendication sociale, parce que ce n'étaient pas les valets qui voyaient ça, c'était les maîtres, de toute façon. À la Comédie française en 1736, on n'a dû écouter qu'une chose, savoir si cette débutante scandaleusement protégée méritait d'être dans la troupe. Je pense qu'effectivement, ce que nous considérons, c'est que pour Marivaux, en 1725, le problème capital était en somme de savoir comment on pourrait maintenir l'ordre en question, mais avec une bonne conscience, au lieu d'avoir une conscience coupable. Et c'est évidemment cela. Maintenant, il y a tout de même une chose dont nous n'avons pas parlé, je m'excuse d'introduire ça, mais je crois que c'est très important, c'est qu'on retrouve tout de même le Marivaux, disons même du Marivaux d'âge et le subtil analyste dont nous parlions tout à l'heure, dans une ou deux scènes qui sont très étonnantes, à mon sens, je ne sais pas ce qu'en pensent ces jeunes gens ici, mais c'est par exemple le moment où Cléantis éprouve un trouble réel. Pourquoi? Eh bien parce que elle est très sensible au beau langage que le valet est en train de prendre. Et finalement, elle regrette que le harlequin s'arrête parce qu'elle était en train d'être séduite par ce beau langage. Et nous avons à peu près la réciproque, n'est-ce pas, dans Harlequin et la grande dame. Il y a là une analyse qui est d'ailleurs assez pessimiste au fond, mais qui va dans le sens de ce que nous disions sur le plan social. Tout ce que nous venons de dire nous explique beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est d'abord que l'esprit moraliste n'est pas obligatoirement l'esprit révolutionnaire, et ça explique beaucoup de choses dans l'histoire d'hier et dans l'histoire d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense que notre discussion éclairera d'une façon très précise les raisons pour lesquelles les Girondins sont montés à l'échafaud, pourquoi Condorcet a perdu sa tête, n'est-ce pas? Parce qu'en définitive, dans la société, lorsqu'on lâche des idées, des actes révolutionnaires, ça ne se termine pas comme chez Marivaux. Les maîtres n'embrassent jamais les esclaves, et les esclaves n'embrassent jamais les maîtres. Et finalement, la tragédie humaine n'est pas obligatoirement celle du théâtre, en tous les cas, celle du théâtre de Marivaux. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui L'île des esclaves, comédie en un acte de Marivaux, jouée au Théâtre français dans la distribution suivante. Iphicrate, général athénien, Alain Feydeau.